disais, fais moins de bruit. Mes parents pourraient t'entendre. Et je pensais, nous sommes comme enfermés dans un train de nuit. Dans un train de nuit. Je n'oublierai jamais ce que cette fois-là tu m'as donné. Et si depuis tu es parti, que ton visage s'est effacé, je me souviens très bien que nous avons voyagé dans un train de nuit. Les années ont passé, je repense à cette nuit où j'ai vieilli. Et dans mes bras, toi tu dormais, je t'entendais.